بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن عمرو بن جارية قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها تسيل على كتفه. أخرج أحمد والترمذي والصححة. Donc c'est quoi le hadith selon Amr ibn Khalija, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallam va faire un sermon à Mina alors qu'il était sur sa monture et la bave de sa monture coulait sur mon épaule. Le hadith rapporté par Ahmed al-Tirmidhi. Ou le hadith avec cet isnad il est faible, mais il est venu à un autre hadith selon Ibn Omar chez Bayhaqi. Une histoire similaire pendant le Hajj, qu'il était sous la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que sa bave le touchait. Là, le hadith, comme on a dit, malgré sa faiblesse, il vient pour démontrer un jugement qui est celui de la bave des animaux. Donc il dit: al-masa'il wal-ahkam wal-mustafaratu min al-hadith. Awal al-mas'ala lu'ab al-hayawanat. Lu'ab al-hayawanat. Donc il dit, dans le hadith, on a une preuve de la pureté de la bave du chameau. Et cela est unanime dessus. Ijma. Et également, cela est joint par toutes les baves d'animaux qui nous sont licites à la consommation. Que leurs baves sont pures avec unanimité. Et qu'il y a un khilaf par rapport à la bave de l'âne et du mulet. C'est quoi un mulet à la base? C'est un mélange de Naam. De Hassan avec le mulet. De la jument avec l'âne. Et tu sais comment ça s'appelle en français? Enfin, il m'a dit. Quoi, le mulet? Le mulet, on m'a dit. On va dire le mélange de. Attends, c'était quoi que tu m'avais dit? Je crois que le cheval et l'ânesse. Je sais plus c'était quel. Il y a un mélange comme ça, c'est un nom français. C'est pas le mulet. Après, il m'a donné la faïda. Ça s'appelle Bardo. Je dis, ça lui va bien ça. Je sais plus c'est que je vais regarder ce qu'il m'avait écrit comme. C'était quoi le. Comme accouplement. Il a écrit Bardo comme l'autre Brigitte là. La même chose. J'ai dit, ça lui va bien. Ou le cheval et l'ânesse, ou un truc dans le genre. Je sais plus c'était quoi, mais en tout cas c'était un mélange de ces animaux-là. Bien que ces animaux, alors qu'ils sont meilleurs qu'elles, hein, faut dire le haq. Même s'ils ne sont pas mon calef. Le chien meurt dans le hel dans la calef. Et ben voilà. Non, taïeb. Donc, on a dit la bave de l'âne, du mulet, des fauves. Qu'ils ont divergé sur leur pureté. Et la parole prépondérante, c'est qu'elles sont pures, comme cela précédemment cité dans le hadith du chat. Innaha laysat min najas. Tayeb. Donc elles sont pures. Même les animaux qui ne sont illicites à la consommation, leur bave est pure. Ensuite. مسألة ملحقة لعاب الأدمي المسلم الطاهر بالإجماع. Donc un sujet attaché à cela également, la bave bien sûr du musulman, l'être humain, elle est pure. Et le kafir est donc pareillement, elle est pure, car on a dit que le kafir à la base il est pur et que sa najasa elle est marnawiya. Ensuite, parmi ce qui prouve également la yani un hadith fihi ma fi lakin, qui est une preuve de la pureté de la bave du kafir, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a attrapé un djinn ifrit. Mais un djinn, c'est un djinn, tu vois. Un djinn ifrit qu'il a attrapé dans la salat et qu'il a senti le froid de sa langue sur sa main. Amen. Et donc, il y en a, ils prennent ce hadith-là comme preuve pour dire que la langue du djinn est licite, c'est celle de l'être humain également, du kafir. Mais c'est vrai que maintenant, la prière entre un djinn et un homme, je ne sais pas, ça peut se faire. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de preuve. À la base, le kafir, djinn ou pas djinn, on a déjà, alhamdoulilah, débattu le sujet que le kafir, la vérité de mes créants, c'est qu'il est pur. Il est pur. De son vivant, comme de sa mort. Bien que le khilaf soit en place. Quand même. Donc ça, c'était le sujet de ce hadith-là. Après, il dit, « El hadith, el khamis wa ishroun, an Aishata, radir anha, qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al mani, thumma yakhruju li salat, fi zalika thawb, wa ana anzuru ila athar al ghusl, fihi muttafaqun alayhi. وللمسلمين لقد كنت وفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ويصلي فيه فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت وحكه يابسا بظفري من ثوبه نقل الحديث لا سنو عائشة رضي الله عنها qu'elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lavait le sperme de son vêtement pour ensuite se rendre à la salat dans ce même vêtement, alors que moi je regardais la partie mouillée du vêtement, la trace d'eau, quoi, du lavage. Et le hadith, c'est le muttafaqun alayh. Et pour muslim, elle dit que je le nettoyais du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la salade dedans après. Dans une autre version, elle dit, je le grattais avec mon ongle sec de son vêtement. Elle est séchée, elle le grattait avec son ongle. Donc là, la mas'ala, elle vient pourquoi? Pour parler du sperme. Donc il dit, المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. أولا حكم مني الأدمي. Le jugement du sperme de l'être humain. Donc les savants ont divergé en deux paroles sur le sperme. La première parole, c'est qu'il est une najasa, une impureté. C'est la parole de Abu Hanifa et de Malik. Et leur preuve, c'est ce hadith-là, du fait que Aïcha l'ait lavé, ou que le professeur sallallahu alayhi wa sallam l'ait lavé. Deuxièmement, ils disent que le sperme est une najasa parce qu'il est le début, ou plutôt le mavi, c'est son début. Le mavi, c'est le liquide un peu plus fluide que le sperme qui sort alors, par exemple, des envies. Liquide transparent. Tu vois? Lui, c'est une najasa, ça va venir. Donc, il dit si le mavi, c'est najasa, que le mavi, c'est un prémisse du sperme, le sperme aussi l'est. Ensuite, ils disent que le sperme sort par le même endroit que l'urine. Donc il sera une najasa comme l'urine. Et après ils ont pris un hadith de Ammar rapporté par Abu Ya'ala et Dar al-Qutni et autres que eux deux, qui dit innama taghsilu thawbak min al-gha'it wal-bawl wal-mani wad-dam wal-qay. Tu dois seulement laver ton vêtement à cause des excréments, de l'urine, du sperme, du sang et du vomi. Et Shaukani, c'est la parole qu'il voit comme étant la plus forte. Que le sperme est une najasa. Deuxième parole, donc c'est la première parole, que le sperme est une najasa. Deuxième parole, qu'il est pur. Et c'est l'avis de Shafi'i et de Ahmed. Donc eux, quelles sont leurs preuves? Également, ce hadith. D'accord? Ce hadith. Dans quelle partie du hadith? Quand elle dit, la kode kuntu wa furukuhu, farkan. Je le grattais alors qu'il était sec avec mon ongle. Donc cette partie-là démontre que quoi? Que le sperme, s'il avait été une impureté, il aurait fallu de l'eau. D'accord? Et il n'aurait pas touché avec sa main directement. Ça n'aurait pas suffi de gratter, il aurait fallu bien laver. Comme dans le hadith qui est venu, qui va venir, Inch'Allah, dans le sang des menstrues, qu'il faut laver avec de l'eau et bien frotter. Également parmi leurs preuves, elle offre fil achat tahara, que la base chez les choses, c'est la pureté. Donc celui qui voit le contraire, qu'il démontre, qu'il argumente, qu'il donne ses preuves. Également parmi leurs preuves, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de le laver. Et pourtant, c'est une chose qui peut nous toucher. Donc on n'a pas de hadith clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de le laver. Et également parmi la preuve, et celle-là elle est très convaincante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas hâté à laver le vêtement. La preuve, il a séché, elle a gratté avec son ongle. Ça aurait été najasa, tout de suite il l'aurait lavé. Par exemple, comme ce bédouin qui a uriné dans le mosjid, tout de suite ils ont mis l'eau dessus. Comme le hadith qui va venir de Abu Samh, de l'enfant qui urine, dans le hadith de Aïcha, que cet enfant est venu et a uriné sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite. Et pourtant, c'est pas une grosse najasa. Et tout de suite il l'a nettoyé. Donc le najasa, normalement, c'est tout de suite que tu le nettoies. Tu ne laisses pas attendre et attendre et attendre. Donc, pour répondre aux preuves des autres, qu'ils ont pris ce hadith que Aïcha a lavé le vêtement, ou plutôt que le professeur Salman a lavé le vêtement, on va dire que ce n'est pas une preuve de najasa. C'est vrai qu'avoir du sperme sur le vêtement n'est pas une chose forcément commode. Tu vois, c'est pas une chose propre. C'est pas que c'est sale en quoi, mais c'est pas une chose genre tu balades avec ça sur toi. Quoi. Ça mérite d'être lavé. Pour preuve, demain, par exemple, une chose qui est pure, et tu vas laver. Demain, par exemple, je sais pas moi, tu as du rhume sur ton vêtement, ma phalène. Tu vas le balader avec comme ça, tu vas le laver. Est-ce que c'est une nage à ça? C'est pas une nage à ça. Mais c'est une chose, tu vois, ça, sur le vêtement, ça fait, ça passe pas. Donc tu vas le laver. Toi-même, tu vas le laver. Naam. Donc, cela démontre que ce hadith, il est permis de laver le sperme du vêtement, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que le prophète sallam, il aurait ordonné de le faire. Le fait qu'il l'ait fait lui-même ne veut pas dire que c'est un ordre. Les choses que lui, il a fait, ça ne veut pas dire que c'est un ordre. Fahimt ? Quand c'est un ordre, c'est un truc wajib, il le dit clairement. Et là, il n'y a rien qui dit que c'est wajib qu'il faut le faire. Aïcha aurait dit, il m'aurait ordonné de le faire. Mais elle a fait d'elle-même. Fahimt ? Tayyib. Ensuite, qu'ils disent que le mavi, et c'est le prémisse des spermes, ça également ce n'est pas une preuve, car le mavi est une chose, le sperme en est une autre. Ce sont deux liquides différents. Donc on ne peut pas faire un qiyas, dire que comme celui-là c'est le début, l'autre va être pareil. Le mavi il a une apparence qui est spécifique, et le sperme il est blanc, un peu épais, d'accord ? Alors que le mavi, il est transparent et un peu plus fluide. C'est pas les mêmes. D'accord, c'est pas les mêmes. Même dans l'odeur, c'est pas pareil. Quant au fait de dire que le sperme sort par là ou sort l'urine, ça, pareillement, c'est une parole, c'est pas un dalil. D'accord, c'est pas un dalil. On va dire que si il vise par là le pénis, naam, mais l'arrivée d'avant, ça vient pas d'un même endroit. L'urine, elle vient des reins, et le sperme, il vient des testicules, si je me trompe pas. C'est pas, ça vient pas du même endroit. Les reins, c'est ici que l'urine, elle se formate, elle se fait et tout. C'est là qu'elle se compose et après elle vient dans les canalisations pour aller jusqu'au pénis et sortir. Le sperme, il vient par un autre endroit. Et cet endroit-là n'est pas considéré comme étant une najasa. Quand même? Là, c'est plus de la biologie. Tayyib. Et le hadith de Ammar, il est maudour. Quand il dit, tu ne laves ton vêtement que des excréments, que de l'urine, et ainsi de suite. C'est un hadith qui est maudour. D'accord? Et quand bien même on dit, allez, hab, sallamna naou, sahih, on dit qu'il aurait été authentique. Est-ce que le vomi est une najasa? Non. Est-ce que le sang est une najasa? Non. Donc le hadith, même on dit qu'il aurait été vrai, n'aurait pas été une preuve. Ça aurait été une preuve pour dire qu'il faut laver seulement les excréments en âme, el ra'it, najasa, el boum, najasa, mais le qay, waddem, le vomi, et le sang ne sont pas de najasa quand cela va venir. Donc même si ça aurait été le hadith, il n'y a pas de preuve dedans que c'est najasa. C'est une preuve qu'il aurait fallu le laver du vêtement. Mais dire que c'est najasa, ça n'aura pas été une preuve. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a fait une bonne parole par rapport à ça. Il a dit comment l'être humain, à la base, est créé à partir de sperme. Ça s'est créé par rapport à une chose impure, ce n'est pas possible. L'être humain ne pourrait pas provenir d'une chose impure à la base. Parce qu'à la base, l'être humain, il est pur. Donc ça, c'est pas, on va dire, un délit, mais après toutes ces preuves, on ajoute ça aussi, pour être encore plus convaincant. À la base, tu ne viens pas d'une chose impure. Taïeb. Donc, le khurasa, c'est que le sperme n'est pas une chose impure. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais comment ça se fait que le mavi, comme ça va venir, il faut faire l'ozo, est une impureté, et le sperme, qui est impur, il faut faire le roussel. Ça, c'est une question, inch'Allah, je vais retrouver le... Il y avait un KLM par rapport à ça qui expliquait, de Mnoukayim, je crois. Si je retrouve, inch'Allah, on le lira. Je sais plus, on t'a dit, il y a longtemps, Cheikh avait donné la faïda dans un def. Il faut que je retrouve la, où est-ce qu'on a noté ça, et inch'Allah, si je retrouve, on le lira. Taïeb. Après, il dit, notre mas'ala. Mani ghayl el-adami. Le sperme, on va dire des animaux. Donc il dit trois choses. La première, que tout sperme est pur, hormis celui du chien et du porc. Pour ceux qui voient que le porc et le chien sont des najasa. Donc si l'animal est une najasa, ce qui en sortira aussi le sera. Deuxième parole, que tous les spermes des animaux sont des najasa. Tous les animaux. Troisième parole, que le sperme des animaux qui nous sont licites à la consommation nous sont est pur. Le sperme des animaux mayukal lahmuhu tahir. Que le sperme des animaux qui nous sont licites à la consommation est pur, tout comme leur lait. Et An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, lui, il voit que tous les spermes sont apparemment وَالصَّحَحَ رَافِعِي النَّجَاسَ مُتْلَقًا وَالْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ. Il rapporte une parole, la Rafi'i, qui dit que c'est une impureté dans l'absolu, et que c'est le premier madhab, on l'a dit la première parole. Al-Shir, il dit, Ibn Hizam, que ce qui apparaît en réalité, c'est que le sperme des animaux, tous sont purs. À part ce qu'il y a une preuve qui démontre qu'il est impur. Comme le chien et le porc. La comme Jumhur. Mais même ça, il n'y a pas de preuve. Ça, j'ai pas compris. D'ailleurs, chien ne voit pas que ce sont des najas, ça. Donc, j'ai pas compris pourquoi il a mis ça ici. Donc, je pourrais pas t'éclairer là-dessus, malheureusement. Nam. Taïeb. Ensuite, on dit. De toute façon, la chose la plus simple, c'est que le sperme, moi, je vois que le coup le plus sûr, c'est qu'il n'est pas une najasa. Il n'est pas une najasa, comme la bave, comme ce genre de choses, des animaux, tant qu'on n'a pas une preuve que c'en est une. Tu vois. Il ne l'est même pas chez l'homme. Il n'est pas chez l'homme. Et il n'y a même pas une chose qui soit chez l'homme, qui soit une najasa, sans qu'elle soit chez l'animal aussi. À part ce qu'il se mange sa viande, sa chair. Ensuite, il parle là, mas'ala rutubat farj al-mar'a. Là, il parle de du liquide, l'humidité qui est dans le vagin de la femme. Il ne vise pas par là le mazi de la femme. C'est pas le mazi de la femme. Le mazi, c'est une najasa, ma'alouf. Lui, il parle du, comme c'est connu que le vagin de la femme, il est humide. Ce n'est pas comme le pénis de l'homme. Toujours, c'est un peu humide. Il parle justement de cette humidité-là qu'il y a chez la femme. Il dit, est-ce que c'est une najasa? Donc là, il parle de cette humidité qui est un peu blanche, hein, qui se situe entre le mavi et la sueur. Donc il dit que les savants divergent par rapport à ce liquide, à deux paroles. Première parole, qu'il est najasa, qui est la parole de Shafi'i, une version de Ahmed, et ils ont pris comme quoi, comme preuve, le hadith d'Ubay ibn Ka'b, dans les Sahihain, que le Nabi sallam a dit, qu'il est dit, يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. Donc il dit quoi? Au messager d'Allah, si l'homme a eu un rapport avec sa femme mais qui n'a pas éjaculé, il dit, il lave ce qui est en contact avec la femme et ensuite il fait l'odo et après il fait la salat. Ce hadith-là, il est mansoukh, il est abrogé. Il est abrogé par le hadith de qui? D'Abu Huraira. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: "Idha jalasa baina shi'bi al-arba' thumma jahadaha, faqad wajaba al-ghusl wa lam yanzil." Que s'il s'est mis entre ses quatre, en fait c'est entre ses deux jambes et ses bras, pour dire qu'il a eu un rapport avec elle. Wa jahada, c'est-à-dire qu'il a bougé, qu'il a eu un rapport avec elle. Faqad wajaba al-ghusl in lam yanzil. Que le ghusl est obligatoire même s'il n'a pas éjaculé. Donc ce hadith est venu pour abroger celui-là. Donc ils ont pris comme preuve ce hadith-là. Même ce hadith-là, on aurait pu dire quoi? Qu'il y a du mazi chez la femme. Donc comme s'il n'a pas éjaculé, le contact pendant le rapport, elle a pu avoir du mazi, ce qui fait que ça amène à laver le pénis. Donc même ça, c'est pas une preuve claire. C'est pas une preuve claire. Il dit la deuxième parole, c'est quoi? C'est qu'il est pur, celui qui est pur. Et qu'ils ont pris comme preuve ce hadith de Aïcha dans le chapitre. Car le mani, disent le sperme, se mélange à ce liquide chez la femme. Et kazalika, que ce liquide chez la femme, s'il était une najasa, ça mettrait une difficulté pour la femme. Car elle a constamment, ou fréquemment, d'accord ? Ou elle, comme a kulna, elle mashakot ajlib ataysir. La difficulté amène la facilité. Et c'est une chose que les femmes subissent malgré elles. D'accord, c'est tout bon, une chose que les femmes subissent malgré elles. Et ça, c'est la parole que Cheikh Othaymine a, pour laquelle il a opté. Par contre, quant au fait, au hadith qu'ils ont pris comme preuve, que le hadith de Aïcha, là, même moi, je n'étais pas convaincant parce que le sperme également, il est en contact avec le mazi de la femme. Il est en contact avec cette rotouba, c'est le mazi. Le mazi, c'est le najasa. Donc ce hadith-là, je ne vois pas qu'on peut le prendre comme pour argumenter. Et Cheikh Othaymine dit pareil. Ce hadith-là n'est pas une preuve en soi. Et il se peut justement que le vêtement, on est demandé de le laver par rapport justement au contact avec le mazi de la femme. Car la femme a plus de mazi que l'homme. La femme a plus de mazi que l'homme. J'ai oublié comment ils appellent ça, ce liquide en français. Liquide. J'ai oublié le nom, comment on dit le mazi en français. C'est un nom. J'ai oublié. Un liquide, ça finit en tic, thématique, ou j'ai oublié. À la colline. Donc voilà quoi. Donc le khulasa, c'est que le sperme est une chose pure. Le mazi, ça va venir, c'est une chose impure, dans le hadith de Ali. Et ce liquide, cette humidité présente chez la femme également, est pure. Et Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Mais ça, c'est des masailles, t'as vu, elles sont. C'est pas des hadiths tranchants, tu peux toujours discuter. Tu peux toujours discuter les hadiths de chacun, tu vois. C'est pas des sujets sur lesquels, par exemple, la divergence, ça va être tadad, une différence de hadiths qui s'entrechoquent. Là, c'est tafa, l'afham. C'est un khilaf l'afham. Chacun comprend un hadith d'une certaine façon. Ça mène pas à une division ou quoi. C'est dans le fixe, ouais, faut être souple. Dans le sujet, faut être souple. Toi, c'est ta vie là, tayyib. Mais agir en conséquence. Bien que le haq, il est wahid. Mais comme c'est pas une chose claire, lui peut argumenter, tu vois, la meilleure chose c'est bon. Tu vois, toi tu vois ce que se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu fais de doigts, et c'est peut que demain tu changes d'avis. Demain tu peux avoir ce call là, et demain tu peux dire en fait, je me rends compte qu'en fait ils avaient raison. Mais tant que t'as un call, t'en es convaincu ou quoi, marche dessus. Vous voyez, t'achemines dessus, Inch'Allah ta'ala. Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.